J exclusive. 1. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, parce qu'on peut tous partager. C'est LALL commandant, t'es de retour frais pour la famille 2007. 1. Écoute le proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Ouais. Il disait: écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches et versons du sang. Tendons des pièges à ceux qui se reposent enfin sur leur innocence. Ne les suis jamais. Jamais. C'est l'esprit des rois, c'est le nôtre. Le nôtre, le tien. Voilà ce qu'on va partager avec vous. L'amour de la victoire et une grande histoire. Mon vrai nom reste Masok Luca. LALL Commandante Adamas Braga. Qu'est-ce que tu sais de moi à part que sur scène j'éclate comme une bagarre et que j'ai beaucoup plus de style que la plupart de ces bâtards. Ne rappe plus par passion, tire à la mitraille pour la distraction. Grandis là où le nombre de transactions fait la distinction. J'étais sportif, je ne le suis plus, mental sans les tractions. Je suis bandit par l'esprit artiste parce que j'excelle dans le rap alors rien à voir avec. Doté d'une grande culture mais pff, rien à faire avec. Élevé à la tchèque, révélé par le tchèque, réveillé par les cris des voisins qui se battent nus contre les decks. Toute la rue en mode suce mon sexe. 1992, fuck la techno. Coupe AA, 1-1, Rux and FX, Protect Yannick. Le son comme une balle dans la tête. La même énergie qu'à l'époque où je logeais dans un centre nerveux où on perd la tête. Mais c'est de là où tout part. Je parle le langage que tous parlent. N'y pense pas, ne me touche pas. Les négros veulent le rôle d'actrice principale dans le film. Baise-moi, c'est un délicat. Tu obéis à quoi? Un Beretta, un reliquat. Le rap américain m'a pris leur nom, les grands du coin, leur usage. La dissuasion ou le tir dans le centre du visage. Je ne crains rien, je ne crains rien juste parce que tu témoignes contre ton entourage. On les cite dans tes chansons, allez, une plus grande guerre m'attend, dopé au courage. Je ne touche pas la blanche comme dans l'affaire Pélican. Diamantaire du terre-terre, l'alcool c'est la dope. Le crack, et cette fois-ci la dose est un peu plus forte. Je viens d'illustrer ce que je suis parce que je combats. Instable, le bien, le mal constate, on est comme ça. Pourtant je suis loin d'être païen, souvent en mode y'a pas moyen. À l'école j'avais plus la moyenne, il me faut cette somme par tous les moyens. Je kick, je m'en donne les moyens pour que la pureté des vrais rois règne sur moi. Pour ne plus être la paludrine et l'héroïne, je renerre, cherche une nouvelle source. Ambition, cette ambition sera mon nouveau souffle. Écoute ma dernière race de son, ma nouvelle dimension. Je règne plus sur l'émotion, ma mitraille à de nouvelles rations. Tu ne verras pas, je ne me mélange pas. Ils m'invitent sur leurs projets dans leur zone. Mais les lions ne partissent pas avec les hommes et seul je ne vais jamais split. Trop de collègues dans la consommation de clics. Ils continuent de Warner Bros même après leur clip. C'est pour ça que leur public leur fait manger du cric. Cette année verra briller quel clic et qui se fera clic clic vu que c'est cyclique, mystère. C'est écrit depuis la zygomatique. En tout cas, tu pèseras jamais devant nous, même avec un automatique. Tché, rappelle-toi du C du G comme de la tête et des pieds. Érythrée, héritier, fondation quartier. J'aime ça, écrire des couplets sans esclaves, cœur de roi. Pour que tu te souviennes pas que de moi, mais aussi d'une jeunesse triste. Pistée, déboussolée, défoncée au sang du Christ. Non, je fantasme plus une qui sans taureau. Depuis l'époque où le daron était derrière les barreaux comme Lincoln Burrow. Hey yo, euro, quel est ton budget négro? Faut un nouveau deal. Je réfléchis en vert comme Juppé, la rue c'est chaud. D'ailleurs partout, réchauffement de la planète. Condamne les petits à bicrave leur verte en plein soleil jusqu'au réchauffement de la canette. Mes petits criminels écolos, prêts à buter pour ces feuilles vertes, à combattre la police, ces gros criminels alcoolos. Je les sensibilise aux missiles. J'aurais pu être Al Capone, mais je suis LAL. J'aurais pu être M.A.L. Cone, mais je suis LAL. Moi-même. Je connais cette voix de métal chromé, un vocal de fer, flow en assiette trompé, sortant du ventre, monté sur le trône. Descendant d'hommes propres, de guerrières hors normes, hormones royales, groupe rouge, animal, j'organise les cellules dormantes. Seine, Marie, crime, Val de Noir, on est hal. On le sait bien qu'on ne sait rien, qui n'a pas la peur n'a pas le courage. Qu'écrirez-vous sur ma pierre tombale, si j'ai le fameux LAL qui fit plus de mal que de bien. Le bien qu'il fit, le fit mal, et le mal qu'il fit, il le fit bien. Non, je reviens d'un nom d'Afrique, fraîchement intronisé, ma misère me fait plaisir, ma bonté va vous terroriser. Je ne suis plus ces jeunes brutes opérant sur Paris, instable comme un enfant. Vrai négro maintenant, je règne sur mon tempérament. Essaye d'être juste même avec les plus petits heurtis, mais impitoyable avec l'ennemi, devant qui je me prosterne en abondance, en pénurie, devant qui même les arbres se prosternent. Même Tupac qui disait saigner du NSC, MSC, listen. Beaucoup de fight dans la life de Colla le négro. Quelques lives en flow de diams pour l'alcool, le MC. Assez pour savoir qu'on saigne pareil de Paris à NYC. Maintenant, j'rappe pas pour flatter tes démons, troubler ton esprit. Ces falsificateurs ont sous-évalué mon esprit. C'est dommage que sachant tant de choses, ils aient si peu d'esprit. Le couteau veut peu contre mon esprit, mais faut les plier, c'est mon esprit. J'ai un plan, un projet, des stratégies et une vision de vie. On n'est pas du genre à monter et descendre, plutôt à se faire descendre sur la montée en essayant d'y arriver. Il nous reste peu de choix ce coup-ci. Courir vers la famille comme Sucré ou vers le business comme Abruzzi. J'rime pas pour la gloire, j'suis une superstar bâtard. T'entends ce que j'écris ce coup-ci, c'est personnel, on va les prendre par la force. Merci maman, j'renais pas ta force. Pas de conseil, pas de messe. En te disant ça, j'suis humble comme Mercedes. 99 jours pour le voleur, un pour le patron. J'suis arrivé dans ce business calmement, ils m'ont dit reste là, je voulais pas jouer les balaises. Attendre 7 ans pour que mon style progresse. Je vendrais plus de 700 pièces. Je suis né pour les gros business. Je me rapproche de mon dièse, me rapproche de la caisse. On m'aime en Afrique et on m'aime dans ta tête. Alors ferme ta gueule et acquiesce. Je suis lancé en pleine vitesse, sensible comme un volant de classe S. La caisse, un faux pas et je cache tout. Mon style te bute. J'en saurais pas mon premier son en parachute. Mais sans le parachute, l'enfermement, la torture dans les cellules de Yaoundé n'ont pas pu me retenir. Les inspecteurs, les juges de Rouen n'ont pas pu me maintenir. Vous pouvez pas me contenir. Je mange du poisson braisé dans les rues sales de Douala. Je suis une méga star bâtard. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas la rage, ce n'est pas la hargne, ce n'est même plus la haine. C'est LAL. En guerre et la nuit je dors tranquille. Rêve de femme pure et de paix civile. Au réveil je pilonne du piment. Mes yeux rougissent, j'embrasse mes enfants et j'empile. Diamant noir défoncé à l'air ambiant. Putain quelle rime. Je suis comme toi, rire, rien de plus. Ce qui est une autre courant c'est les traîtres, les menteurs. J'en ai côté. Je connais leur senteur, crois-moi, pour certains ils sont sans cœur. C'est pour ça que les RG nous localisent souvent. Mais on est un mouvement en mouvement. Ils arrivent, move. Ok, envoyez les biches, jouez les pillages, on saura quoi en faire. Mais vous ne contrôlerez pas mon kiff, mon frère. C'est ça qui me rend kiff, mon frère. Est-ce que vous réalisez qu'avant ma musique, les négros se défonçaient encore avec des spliffs, mon frère? Alléluia, c'est plus une affaire de blanc noir. Starfoula, c'est une affaire de bif. Si tu débarques dans le game, n'oublie jamais que c'est juste une affaire de bif. Sois un diamant réfléchi, pas de ceux sur qui le pasteur réfléchit. Dieu aime ceux qui brillent sous le soleil pour travailler, nourrir, profiter de nos familles. La nuit, il nous est conseillé de dormir. Mais ça bise des kilos, ça s'habille au culot. Ça deal des litrons et ça tease des litres. Ça tire, ça kill et dans le lit, ça baisse tranquille. On attise la braise, passe-moi la 8 que j'attire la bête. À ce rythme, toute mon équipe finira dans la braise et moi avec bif. La fournaise, je jure Dieu que ça me fait peur. Ce n'est pas grave, où sont les chèques? Les keufs arrivent, je compte pas me rendre, sinon ça sent l'échec. Ok, je crois qu'il y a une erreur sur les montants. Je suis aussi coté qu'Adam et Ève. La concurrence paye content. Rap business n'est plus une affaire de biceps. Abandonnez votre fitness, l'intelligence fait la vitesse. Je kill les négros, je les balance entre l'esprit et le ventre comme Iceberg Slim, Spike Lee, Aaron Spilling. Les docteurs de la rime m'analysent comme un bout de chair. Je suis l'un des derniers à le faire avec le feeling, même si ça me coûte cher. Je mystifie ceux qui dorment avec moi. Ils me voient comme un monstre. Ils ne voient pas quel moment de la journée je peux écrire tout ça. Ils comprennent pas comment on peut baigner dans la vie que j'ai et construire ça. Code noir 1, type cover 2, l'esprit des rois. Sniff Milling, c'est de la transmission de pouvoir. Comprends pourquoi je kick sec. J'ai une vision, je la matérialise et c'est fait mec. Lyrical juice à profusion, mes frères vous étiez si sec. Secoue la fraise de ces négros comme un milkshake. Les ennemis se dérèglent, mais c'est juste ma mixtape. Achetez mon prochain disque, celui d'un vrai négro qui prend des risques. Ou alors ne vous plaignez plus des rapts. Ne me parlez plus de l'avenir du rap. En attendant les hustlers resteront hustlers. Changeront de cœur comme de costume. Vendront sans demander le carnet de santé de celui qui consomme. Se faire doubler, impossible boss. Le recel on connaît les ficelles des transacts. Tu peux mourir avec une balle, une seule. T'es en danger même avec un Wesson. Crois-moi, tu ne veux pas te battre avec les lions. Négro, tu n'es pas gros Russell. Je fais monter la fièvre depuis Blow, les oiseaux gunfive. J'ai fait couler mon sang pour traverser la rive. J'arrive à la fin du plan du dessin. J'ai tout compris, Dieu merci, c'était le destin. Sang d'esclave, cœur de roi, bientôt couronné, c'est promis. Le rap français tué devant sa femme et ses gosses. Je fais ça pour mes homies. C'est comme une gerbe de fleurs sur les vers de peur. Un verre de meurtre, un germe d'auteur, un jeune rappeur, un jeune penseur. Je gère l'ampleur, j'ai des gènes d'empereur. J'hygiène avant et j'hygiène après. La rue nous a couronnés pour notre pudeur. Pour le peuple, monte le son. J'aime mon peuple, monte le son. L'esprit des rois, type cover 2. Pour se souviennent pas que de moi, mais d'une jeunesse triste, défoncée au sang du crime.